Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Bien au-delà du carbone 14 et de ses possibilités radiométriques, le magazine d'archéologie de France Culture plonge ce soir dans les abysses du temps, le temps très long, la vertigineuse longue durée. Cela tombe très bien, le vertige est une des motivations de l'archéologue. N'en déplaise à Samuel Kramer, l'histoire ne commence pas à Sumer au 4e millénaire avant notre ère, mais bien plus tôt. Ainsi, l'archéologie peut-elle être encore considérée comme une simple science connexe, la rustine de l'histoire? Pour autant, que peut-on trouver, si fugace soit-elle? Quelles traces les hommes nous ont-ils laissées? Que peuvent en comprendre les archéologues et quels récits peuvent-ils nous narrer? Sur le fil, nous tenterons aujourd'hui d'aller au-delà des frontières de ce Styx fleuve infernal entre préhistoire et histoire. Où finit l'une, où commence l'autre? Tel sera le thème de ce Carbone 14. Pour en parler, Anne Lehorff. Bonjour. Bonsoir. Archéologue, proto-historienne, professeure à l'Université de Lille, vous êtes actuellement vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique et l'auteur d'un lourd volume de 608 pages, Préhistoire d'Europe, paru chez Belin. Anne Lehorff, l'histoire la plus longue de l'humanité n'a pas de mots? Elle n'a pas de mots écrits, elle n'a pas de mots oraux tels qu'on pourrait les retrouver, mais elle a évidemment bien d'autres vestiges, tous les vestiges que l'archéologie permet de retrouver et avec lesquels les archéologues et leurs mots permettent d'écrire l'histoire. Sans texte, nous voici aveugles. Jamais nous ne connaîtrons la pensée, voire le discours de l'homme de la préhistoire. Néandertal, Denisovien ou homme de Flandres, d'ailleurs pensait-il comme nous? C'est évidemment très compliqué de savoir ce qu'ils avaient à l'esprit, dans la tête, quelle était leur réflexion au quotidien. Mais au travers justement de ce qu'ils nous ont laissé, c'est à nous de mener l'enquête et d'essayer de retrouver ce qu'ils pouvaient imaginer, aimer, prévoir, vivre. En tout cas, il y a d'autres langages que l'écrit, disons-le tout de suite. Oui, il y a d'autres langages. Il y a le langage que l'on retrouve à travers la documentation archéologique, à travers ses traces, souvent fugaces, souvent modestes, parfois extraordinaires, et que nous mettons en récit. À défaut de verbes, vos préhistoriques nous ont laissé quelques messages via des sortes de petites boîtes aux lettres que sont les grottes, pour reprendre une image de Jean Rouault. Oui, on a effectivement sur les parois, on a des petits messages ou des grands messages, et des messages complexes qu'il faut décrypter et qu'il faut arriver à restituer. Alors l'art est peut-être un bon moyen de comprendre ces hommes. C'est peut-être au travers de cette expression-là qu'ils ont été le plus prolixes. C'est en tout cas un langage particulier qui parfois nous semble abordable, qui signifie pas d'ailleurs toujours ce que l'on voit au premier regard, mais qui est effectivement un langage très riche et qui permet de retrouver des visions du monde et puis de les approcher en tout cas le plus possible. Alors quand on regarde le métier d'archéologue, il y a préhistorien bien sûr, il y a surtout le silex, hein, et puis ensuite il y aura le métal plus tard, tout ça c'est de la culture matérielle et c'est ce qui va former le fond de l'archéologue. Alors c'est le fond de l'archéologue tel qu'il a été formé, j'allais dire, dans la construction de l'archéologie du 19e siècle, dans une vision assez évolutionniste de l'histoire des hommes, où finalement à chaque stade, ce qu'on appelait les stades de l'évolution, on pensait qu'on avait un matériau emblématique, d'où effectivement l'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Aujourd'hui, si on reste attaché à des matériaux, évidemment parce que c'est important, on a évolué sur la manière d'aborder ces sociétés, et on va au-delà des matériaux, on cherche à comprendre les hommes au-delà de la matière. Le but de l'archéologue, ne serait-il pas de mettre en récit? Si, bien sûr. Le but de l'archéologue, c'est de mettre en récit, tout comme l'historien des textes met en récit, lui, à partir des mots. Nous, c'est à partir, j'allais dire, de vieux restes, de vieilles choses, de vieilles traces, qu'il s'agisse de trous de poteaux, de parois, ou évidemment aussi de métaux que vous mentionniez tout à l'heure. Et le récit, il est destiné à qui ? À nos concitoyens ? Il est destiné à nos concitoyens, il est destiné à la fois, évidemment, au monde des archéologues, selon les niveaux de discours, selon les niveaux de récit. On va pas parler de la même manière à tous. Si on prend un exemple, on prend une céramique rubanée qui marque le début du néolithique. Si on parle aux ultra spécialistes, on va parler de technique, on va parler de profil, on va parler de dégraissant, on va parler avec des termes techniques. Si on parle au grand public, on va dépasser ce discours très précis et très technique pour aborder le vase cette fois-ci comme un contenant, comme une batterie de cuisine, comme un vase où on stocke de la nourriture dans laquelle on effectue des cuissons manipulées, fabriquées par les hommes. Et là, on rentre dans un niveau de discours et de visualisation des sociétés évidemment plus poussé. La préhistoire, c'est un sujet fort. Je pense bien sûr aux 400 000 personnes qui ont déjà visité le Musée de l'Homme. Oui, le Musée de l'Homme... Mais il y a bien d'autres choses. Oui, le Musée de l'Homme est une mise en récit muséographique de l'homme depuis ses origines jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes avec une approche anthropologique autant qu'archéologique. Et il y a évidemment toutes les autres traces et tous les autres vestiges qui ne sont pas dans les musées, qui sont sur les sites, qui sont encore en place ou qu'il reste d'ailleurs à découvrir. Est-ce que l'on n'a pas le sentiment que l'archéologue et le préhistorien est sorti un peu de sa tour d'ivoire ? Ils ont longtemps voulu être des professionnels, maintenant ils en sont. Il pourrait maintenant retourner vers le grand public. Oui, il y a eu le temps des amateurs, puis la professionnalisation de l'archéologie avec une spécialisation. Je crois quand même que la majorité des archéologues a conscience qu'il faut aller vers le public et que cette rencontre avec ses contemporains est également importante. Donc ils ne parlent pas qu'à ses collègues ou à ses confrères. Il me semble que de plus en plus, et à travers des actions, des expositions, des actions de médiation, des ouvrages, le lien avec le grand public, qui est en général assez fasciné par des temps très anciens, se fait de plus en plus et de mieux en mieux. Donc oui, je crois qu'on est en dehors de notre tour d'ivoire et on a bien conscience que c'est important de parler à tous. Vos étudiants, ils viennent faire de l'archéologie, pourquoi ? Ils ont des motivations relativement variées, c'est-à-dire que ils ont envie pour certains d'être vraiment sur le terrain, d'autres ils ont plutôt justement le côté musée en tête, de la médiation, des études en laboratoire, de l'anthropologie, du paléo-environnement. Ils ont des motivations très diverses à l'image de l'archéologie elle-même finalement. Ils ont tous en commun en général d'être assez passionnés par leur formation. Ils viennent en archéologie parce qu'ils ont envie de venir en archéologie. Le but de l'archéologue est de mettre en récit, nous le disions tout à l'heure. Aujourd'hui, nous voici devant un récit exagéré, une sorte de, et bien sûr entre guillemets, de storytelling qui fait tomber Lucie de l'arbre plutôt que de l'en faire descendre. C'est le prix à payer peut-être pour être dans des grandes revues mondiales ? Ça peut être le prix à payer. Je pense qu'il y a un curseur à mettre au bon niveau. De temps en temps, il faut peut-être pousser un petit peu, exagérer pour se faire entendre. Et puis, de temps en temps, il faut remettre, les êtres à leur place et les vestiges à leur place et alimenter le discours narratif d'une science qui est importante. Dans un récent courrier, Anne Le Horf, un auditeur me conseillait d'inviter un historien. Puis-je lui dire que vous êtes historienne ? Oui, vous pouvez lui dire que je suis historienne, ça me convient tout à fait. Je pense que je suis une historienne à part entière. Je ne travaille pas sur les textes parce que je ne suis pas spécialiste de périodes pour lesquelles il y a des textes. Je suis historienne, j'allais dire, des vieilles choses, des vieilles traces, des vieux vestiges, alors plutôt métallurgique en ce qui me concerne. Mais tout archéologue est historien de ces traces et de ces vestiges matériels du passé. On peut raconter une histoire au travers du métal ? Bien sûr qu'on peut raconter une histoire au travers du métal. Alors évidemment, elle ne sera pas la même que si l'on a une description, mais on peut, à travers l'objet, le décrire, à travers le microscope, on rentre dans la matière, on retrouve ce qu'on appelle une histoire thermomécanique, et ce qu'on va aller chercher, c'est l'artisan qu'il y a évidemment derrière l'objet, celui qui l'a fabriqué, celui qui l'a utilisé, la société qui l'a commandé. Donc oui, bien sûr, il y a la société des hommes derrière le métal. Ça commence par l'or, le cuivre ? Ça commence par le cuivre, il y a de l'or très rapidement, et puis à partir des débuts du deuxième millénaire en Europe, au moins en Europe, il y a du bronze, alliage de cuivre et d'étain, avec lequel on fait des tas d'objets, en particulier des armes, puisque ça permet de faire naître l'épée. Je ne sais pas si c'est un progrès technique, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est immédiatement l'affirmation de certains face aux autres ? Probablement d'une catégorie d'individus qui manient l'épée et qui donc nous oblige à penser que la guerre est une réalité bien présente. L'âge du bronze, c'est justement un de ces moments très très particuliers où Jean Guilaine voyait un peu l'émergence du héros, la naissance, la guerre existe déjà bien sûr, mais la naissance d'un nouveau groupe, le héros, le guerrier. C'est en tout cas la naissance d'individualité. Je ne sais pas si c'est un héros, un guerrier. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'arrive pas à être dans la tête des individus, donc c'est difficile de savoir si effectivement on a un héros en tant que tel. Mais les traces que l'on a, la représentation d'un certain nombre de guerriers, le fait qu'il y ait des objets individualisés attachés à des personnes, nous conduit quand même à penser qu'effectivement on a des guerriers, des individus, et donc pourquoi pas des héros. On a des grandes découvertes autour de l'âge du bronze ces dernières années ? Je crois que la plus grande découverte n'a pas grand-chose à voir avec le métal. Je pense qu'un des sites majeurs des découvertes récentes, c'est le site de Must Farm en Angleterre, où on a un site d'habitat incroyablement bien conservé. Ce qui est rarement le cas en Europe tempérée. On a des bois bien conservés dans les zones alpines, mais rarement dans le reste de l'Europe. Donc ça, c'est une très très belle découverte récente. Alors j'en profite pour parler de ça, parce qu'on n'en avait pas du tout parlé dans Carbon 14. Il s'agit d'une sorte de Pompéi anglais, du moins disent-ils, outre-Manche. Ce n'est pas de la lave, mais de la boue qui a recouvert le village, visiblement. C'est ça, ouais, il manque les cendres. Donc c'est sédimenté, et effectivement, c'est conservé dans des vases et dans un milieu humide qui a permis la conservation des matériaux organiques. Et on a toute une série de maisons. On a toute une série de maisons avec les bois, de construction qu'en général on a en négatif, qui correspondent à des techniques d'architecture similaires à ce qu'on a dans le reste de l'Europe, sauf que là c'est conservé, alors que d'habitude on a les trous de poteaux et les négatifs de trous de poteaux, ce qui est quand même beaucoup plus frustrant. Alors, puisque vous parliez de communication, nos amis anglais ont beaucoup communiqué sur leur découverte. Tous les jours, il y avait quasiment une découverte. Oui, c'est-à-dire que les amis anglais ont une capacité à communiquer quasiment au quotidien, à mettre des photos en ligne. Et donc, l'ensemble de la communauté européenne ou des gens intéressés et érudits ont pu suivre quasiment pas à pas la progression de la fouille archéologique. France Culture, Carbon 14, Vincent Charpentier. Puisque nous sommes dans l'archéologie des catastrophes, il y a eu aussi ce cas de Pompéi, juste à côté de Pompéi, qui datait de l'âge du bronze, qui était tout à fait exceptionnel et dont on a beaucoup moins parlé. Oui, Nola, qui est effectivement un très très beau site qui a été fouillé maintenant il y a plusieurs années et qui a permis de mettre en évidence des maisons qui avaient été préservées, cette fois-ci effectivement beaucoup plus dans une Pompéi de l'âge du bronze, puisqu'en plus on est dans la bonne région, si j'ose dire, avec des maisons qui ont été précipitamment abandonnées, et on a même dans l'une d'entre elles le repas encore en train de cuire dans le four, donc... On est dans un instantané tout à fait pompéien. Où commence l'histoire, si ce n'est pas avec Sumer ? Dans ces cas, avec qui, avec quoi, Anne-Lorf ? L'histoire commence avec notre nous biologique et puis notre nous social, c'est-à-dire qu'il faudrait évidemment remonter le curseur du temps beaucoup plus loin et au-delà de l'écriture qu'on a l'habitude de mettre comme curseur. On peut opter pour un sapiens avec moins 40 000 ans à peu près en Europe, qui est notre nous véritable, avec des pratiques sociales que l'on connaît de mieux en mieux. Et puis on peut aussi mettre la coupure ou la rupture avec un moment important qu'est le néolithique. Moi, j'aurais tendance à dire osons commencer l'histoire avec Sapiens. Pourtant, en 2016, notre vision n'est-elle pas encore empreinte du 19e siècle ? Si, notre vision est largement empreinte du 19e siècle. Ce 19e siècle qui a vu l'adoption et la généralisation d'une histoire alors organisée en système avec des grands historiens et puis le développement de ce que l'on a appelé la quadripartition, Antiquité, Moyen-Âge, Moderne et Contemporaine. Ce qui se concevait tout à fait au 19e siècle dans les années 1830-1840. Ce qui évidemment est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Dans 1840, on avait du mal encore avoir des temps très très très anciens que l'on appelait à l'époque antédiluviens. On n'avait pas de préhistoire, on n'avait pas pensé, on n'avait pas de mots, donc on ne connaissait pas cette ancienneté de l'homme. Et donc c'était logique d'avoir quatre périodes, et c'était logique de vouloir commencer avec l'écriture. Au XXIe siècle, c'est beaucoup plus problématique. L'histoire ne commence pas à Sumer, mais au XIXe, cette histoire, elle commence avec le diluvium, avec le déluge, justement. Avec la Bible, donc. C'est ça, le calendrier du XIXe siècle, dans une vision très européocentrée et dans un calendrier chrétien, avait comme début, comme origine, le déluge, ce qui, là encore, au XIXe siècle, se comprenait, était d'une certaine manière logique. Notre vision est-elle empreinte du XIXe siècle ? Oui, tenez, pour exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, le Louvre-Lens. Oui, il y a une exposition qui s'ouvre au Louvre-Lens, hein, de novembre 23 janvier, et qui reprend finalement ce texte sur la naissance de l'histoire à Sumer, avec la Mésopotamie comme date clé de naissance de l'histoire. Alors, le Louvre-Lens est une exposition sur la Mésopotamie et sur le patrimoine en danger en Irak. Aujourd'hui, c'est évidemment très important, avec une mise en perspective par rapport au conflit contemporain, mais c'est en même temps problématique, quand même quelque peu, 60 ans après la parution du livre éponyme, si j'ose dire, que l'on réécrive ou que l'on redonne un titre qui soit aussi proche, alors que la recherche a complètement modifié notre vision, que les connaissances n'ont plus rien à voir, et qu'aujourd'hui, l'histoire ne commence pas là, plus là. Tout cela n'est-il pas la faute du monde universitaire ? De l'académisme qui ont cloisonné les disciplines. C'est difficile de donner la responsabilité, j'allais dire, à un seul groupe. C'est un petit peu compliqué. Et puis, je ne sais pas s'il faut dire que quelqu'un porte à lui tout seul la faute. Il n'y a pas de véritable coupable. Il y a des responsabilités partagées dans ces archaïsmes qui subsistent et dans ces cloisonnements. Je crois qu'il faut partir d'un constat. Le fait de dire que la quadripartition Antiquité, Moyen-Âge, Moderne, Contemporaine et la place de l'écrit ne suffit plus pour arriver à raisonner. Il faut être plus constructif et essayer d'avancer, réfléchir à ce qui a du sens. Sans doute faut-il décloisonner les contenus et les disciplines, reposer, j'allais dire, les sujets en fonction d'une approche plus large, plus cohérente et plus en rapport avec la recherche et la connaissance. Le monde universitaire reste encore totalement cloisonné avec d'un côté l'archéologie et l'histoire de l'art et puis de l'autre côté l'histoire et la géographie. Oui. Tout ça, c'est la même chose quelque part. Tout ça, c'est la même chose. Ou du moins, ce sont des outils. Ce sont des outils. Si effectivement, on a une vision ouverte et large de l'histoire, avoir un cloisonnement aussi étroit, une boîte académique aussi fermée que celle que l'on continue à avoir en France, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays, avec une partition entre histoire de l'art et archéologie totalement irritée du 19e siècle et histoire-géographie de l'autre, effectivement, ça pose un certain nombre de difficultés. Ça veut dire que les historiens de demain, les enseignants d'histoire, les enseignants en primaire, ne voient jamais l'histoire des sociétés orales. Donc ça, c'est effectivement un vrai questionnement et peut-être faut-il y réfléchir un peu tous ensemble. Justement, à l'ORF, récemment, se tenait un colloque intitulé « La préhistoire des autres ». La préhistoire des autres, c'est bien entendu celle des continents sans histoire, sans écriture, des sociétés orales. Il y a la nôtre, il y a la leur. Oui, alors les sociétés orales sans écriture, on sait aujourd'hui que ça a posé un certain nombre de problèmes dans des discours qui ont pu être prononcés. Objectivement, aujourd'hui... Le discours de Dakar, entre autres. Aujourd'hui, consciemment, plus personne n'oserait dire que les sociétés orales n'ont pas d'histoire, et c'est tant mieux. Ce qui pose d'une certaine manière questionnement, c'est que de manière inconsciente, on est quand même dans un schéma aujourd'hui qui cadre une conception de l'histoire avec écrit d'un côté et non écrit de l'autre. Donc il y a une trace d'une certaine manière de cette fondation de l'histoire selon les cadres du 19e siècle avec cette séparation forte entre un monde écrit et un monde non écrit. Qui fait l'histoire et l'archéologie d'ailleurs de ces sociétés sans histoire ? Mais il y a les archéologues qui font l'histoire des sociétés orales et qui la font pas mal, je crois, en tout cas avec professionnalisme, passion et sérieux. Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, je rappelle que nous tentons avec Anne Le Hoff de savoir où finit la préhistoire, où commence l'histoire. Le néolithique est pour les archéologues le temps de la rupture, vous le disiez tout à l'heure. C'est une rupture importante. C'est une rupture importante dans la mesure où ça, c'est vraiment la fondation, la naissance d'une Europe agricole. Là, c'est une vision européenne du sujet. Et c'est vrai que ce sont nos paysages tels que on les connaît sur la très longue durée. C'est la naissance de l'agriculture, c'est la naissance des villages, d'un certain nombre de nécropoles. Donc oui, c'est un monde qui a duré pendant extrêmement longtemps. À partir du moment où il a été mis en place au néolithique. Qui est donc une coupure avec une période nouvelle, celle de la proto-histoire. Avant, nous étions sur un âge de la pierre, un âge d'abondance. Pour reprendre bien sûr le livre de Marshall Salins. Absolument, âge de pierre, âge d'abondance. Donc on était dans les années 70. Un livre qui a eu énormément de succès parce qu'il a remis en cause un certain nombre d'idées reçues autour du chasseur-cueilleur qui avait une vie extrêmement pénible, soumise à des contraintes très dures, ce qui était sans doute le cas. Et par un certain nombre d'études et de calculs, il s'est rendu compte que l'agriculteur passait beaucoup de temps pour arriver à acquérir sa nourriture, ce qui remettait en cause évidemment les schémas. Finalement, il est peut-être plus simple d'aller, j'allais dire, tranquillement à la chasse au mammouth, de se nourrir et ensuite de faire autre chose. Jean Guilaine l'a écrit, vous le revendiquez. Le néolithique est affaire d'excitation cognitive, cette volonté d'échafauder d'autres codes de la vie sociale. Oui. C'est vrai que c'est une manière de concevoir le temps, le monde, l'environnement différente. C'est une manière de se projeter dans un futur, ne serait-ce que parce que quand on plante en agriculture, on n'a pas la récolte dans les 24 heures. Donc on est sur un système de perception des réalités temporelles qui est une perception différente de l'immédiateté et ça engendre un certain nombre de réalités, de croyances, de pratiques que l'on retrouve dans les rituels funéraires, que l'on retrouve dans la manifestation d'un certain nombre de cultes, de représentations. Et donc oui, c'est un monde nouveau. Pour moi, la grande cassure, c'est ce néolithique, c'est bien sûr l'émergence des sociétés de production. Certains y voient une cassure encore plus importante avec la naissance de l'Anthropocène. Oui, c'est vrai qu'on est dans un nous très une analogie avec nos sociétés très forte. Donc oui, la coupure et c'est pour ça si l'on doit découper le temps. Alors dans son dernier ouvrage, Jacques Le Goff s'était posé la question faut-il découper l'histoire en tranches pour donner un sens à tout ça et donc faut-il inventer les périodisations. Une périodisation, c'est toujours quelque chose de commode et d'imparfait, mais cette coupure du début du néolithique est tellement forte qu'effectivement y mettre le début de la proto-histoire a du sens parce que c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Nous voici sur le déclenchement de la dynamique fondatrice du monde historique, écrit justement Jean Guilaine. On pourrait tout aussi bien dire que l'émergence de la société de production aura des conséquences terribles et que nous les connaissons, le chômage, le travailler plus, les élites et les dominés. Merci le néolithique. Oui, quand même, si, merci le néolithique, avec toutes les difficultés que les hommes du néolithique ont peut-être pas créées tout seuls. Je pense que dans le XXe siècle et même dans le XXIe siècle, on contribue bien à notre malheur, chacun d'entre nous. Mais si, ça a quand même permis un certain nombre de changements, à nourrir des populations. Si, ça a apporté quand même certaines... Et l'accroissement de la démographie. Et l'accroissement de la démographie. Que l'on voit dès le néolithique. Que l'on voit dès le néolithique de manière tout à fait claire. Alors, nous voici dans le temps de la proto-histoire. Un de ces étranges temps, une sorte d'à côté, un pied dans l'histoire et un autre ancré à l'extérieur. Non, je crois pleinement dans l'histoire. Pleinement dans l'histoire, c'est d'autant plus que si on fait démarrer l'histoire au sens plein avec Sapiens, ça fait déjà un moment que c'est en place. C'est simplement une période différente ou un temps nouveau avec ses changements propres qui permet effectivement de donner un sens à ce mot. Pour tout un chacun, l'an 52 avant notre ère, la chute de la Gaule indépendante, pourrait marquer la fin de la proto-histoire et l'émergence dans l'histoire. Soyons iconoclastes avec cette proto-histoire. Ne pourrait-on pas aller bien plus loin, faire finir cette période avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ? Si on pourrait, dans la mesure où on pourrait suivre d'une certaine manière et le dépasser un petit peu, le long Moyen-Âge de Jacques Le Goff, tel qu'il nous l'avait proposé, en le faisant remonter très haut et en le faisant aller jusqu'à des périodes récentes. Alors, peut-être que, en tout cas pour le monde agricole, c'est vrai. Peut-être que dans d'autres domaines, il faudrait voir un petit peu les choses différemment. Peut-être qu'en fonction des sujets, en fonction des activités, en fonction des temps, il faudrait introduire de la nuance sur cette très très longue durée. Pour Jacques Le Goff, il y avait un très long Moyen-Âge. Oui, il y avait un très long Moyen-Âge. Je ne suis pas sûre qu'il ait pensé en tant qu'archéologue néolithicien, mais il y avait un très long Moyen-Âge avec, pour ce monde paysan, une durée des événements qui ne pouvait se restreindre sur quelques siècles. Et son très long Moyen-Âge finissait quand? Débutait quand? Son très long Moyen-Âge débutait certainement pas au néolithique tel que nous l'entendons. Donc c'est une invitation en tout cas à lui proposer de manière posthume cette réalité. Puisque vous travaillez sur le métal, dans chaque village gaulois est présent un forgeron. Celui-ci perdurera quasiment jusqu'au 19e siècle avant d'être remplacé par le garagiste. Aujourd'hui, tout ça est complètement fini. Oui et non. La globalisation dès ces dernières années a effectivement un petit peu mis à mal le garagiste du village. On est peut-être à un nouveau basculement dans le sens où les gens veulent à nouveau une réalité de proximité et un peu moins cette immensité de la globalisation. Donc peut-être qu'on est à un tournant. À vous écouter, l'archéologie peut-elle être considérée de nos jours encore comme la rustine de l'histoire ? Non, elle n'est pas une rustine, elle n'est pas à côté, elle n'est pas science auxiliaire, elle est dans l'histoire de manière pleine et entière. Vous pensez que les historiens pensent la même chose ? Je leur laisse la responsabilité de répondre, mais je les invite en tout cas à réfléchir en ce sens. Je crois que certains d'entre eux le pensent tout à fait et invitent au décloisonnement. Pour un certain nombre d'entre eux, je pense qu'on a tous à gagner de réfléchir ensemble. Et vous sentez encore, dans votre université par exemple, des clivages entre historiens et archéologues ? Dans mon université et en dehors, je crois qu'il y a des gens qui ont envie d'aller vers ce décloisonnement et il y a des gens qui hésitent peut-être à franchir le pas, qui ont l'habitude de fonctionner avec des sources écrites qui sont les leurs et qui n'osent peut-être pas s'approprier les données des archéologues tels qu'ils les produisent. Histoire et archéologie sont bien sûr complémentaires, ça nous en sommes absolument certains. L'archéologie met en évidence des faits matériels, mais des faits, ce qui n'est pas tout à fait le cas des sources écrites, ou du moins pas toujours. La nature de la documentation, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que, enfin, je crois pas à une hiérarchie des archives. L'écrit n'est pas mieux, ou la documentation archéologique n'est pas plus ou moins, ou plus objective. Elle a une réalité autre, et un document, je crois, dit ce qu'il peut dire. Et l'enquête de l'historien, au sens étymologique du terme, de l'écrit ou du matériel, c'est de lui faire dire ce qu'il a à dire. Et un document, c'est un auteur, c'est un contexte, et peu importe qu'il s'agisse d'une charte du XVe siècle ou d'un trou de poteau du néolithique. Perfidement, j'ai intitulé ce numéro de Carbone 14 « Où commence l'histoire ? Où finit l'archéologie ?» Beaucoup d'archéologues font arrêter leur discipline à la Grande Guerre. Une erreur qui ne va pas dans le sens de l'histoire ? La production d'archives matérielles est une production du quotidien et les hommes contemporains sont de très grands producteurs d'archives matérielles, en abondance, en excès peut-être même. Donc faire arrêter un temps historique à